Gizmo. Allô, allô. Bonsoir. Salut, Gizmo. Bonsoir. Gilbert, bonsoir. Salut, Gérard. Salut, Michel. Bonsoir. Salut, Gizmo. Salut, Michel. Non, allô. On se calme. Bonsoir, Gérard. Ça y est, c'est terminé, on se calme. Angèle, bonsoir. Bonsoir. Fantomette. Ouais. Oui. Bon, et les trois lascars, là, vous me laissez finir les présentations, après, on verra. Bon, on a déjà... Eh, oh, soldat, là, s'il te plaît. Oh, tu te calmes, Manu Gavant. Oui, j'ai entendu. Fantomette, bonsoir. Bonsoir. Stéphanie, bonsoir. Bonsoir. Eh, moi, je suis boycotté en antenne, c'est la folie, Gérard. Fantomette. Eh, Gérard, c'est beau avec ta perruque, hein. Tu sais qui dit ça? Fantomette. Ah bon, fantôme, bon, que pensez-vous des... C'est quoi ce... C'est quoi, je suis sûr. Ah, Gizmo, t'es là? Mais il est pas jaune, c'est celui de Gérard, il est blanc. C'est une culotte de gage. Ah, Gizmo, t'es là? Oui, je suis là, qui c'est qui me parle? Elle est avec ce cirque. Mais j'entends rien du tout dans mon casque. C'est pas grave. Oui. Mais t'as enlevé ta perruque? Bah, j'ai la retirée parce que j'en ai marre. Enlève ton cul. Non. Merci. Mettez-vous derrière vos oreilles. Allez, c'est bon. Voilà. Putain, je suis obligé de dire des choses sérieuses, sinon lourdes. Non, t'as pas besoin de me caresser, c'est bien. C'est chiant, c'est relou. Bah ouais, c'est relou. Gérard, on est censé. Dans 10 minutes, on fout le feu. Arrête avec ta caméra. Bon, allez. Mais dis donc, Gérard, y'a pas un slip jaune? Qu'est-ce que c'est que cette connerie, là? Que pensez-vous des slips jaunes? Oh, Gérard, je te prends, là. Attends, Gérard. D'abord, faut que tu donnes la définition. Non, je vais donner la définition plus tard. On sait pas ce que c'est. Je vais dire ouais. Bon, moi, je te vois, je voudrais en voir un, là. Ben, j'en ai pas sur moi, tu vois. Est-ce que t'as un slip jaune? Moi, j'ai un caleçon rouge, j'ai pas d'air quelqu'un. Putain, tu as fait des couleurs et pas du tout, Gérard, attends. C'est genre. Mais quelle couleur est ton slip? Tout le monde s'en branle. Oui, moi, j'ai un caleçon rouge. C'est un Raoul de dégueulasse. J'ai un slip bleu. Ouais, je suis là. Tu réponds à la question, s'il te plaît. C'est un truc sérieux, donc 14 ans, je vais me concentrer. Alors? Gérard, ton slip, il est jaune devant et marron derrière? Ouais, tout à fait, t'as tout un peu ton compris. Bon, Gilbert. D'où vient le slip? Oui, Gérard, c'est Gilbert. Donc, je dois dire quelque chose de sérieux. Donc, les slips jaunes, c'est vrai que c'est quand même intéressant. C'est joli, c'est pratique, et ça peut rapporter gros. D'accord. C'est pas mal, ça. Ok, c'est bien. Michel. Oui, bonsoir Gérard. Ben ça y est, si je te dis bonsoir, tu vas pas... Non, mais je considère que le fait d'avoir un slip n'est pas aussi indépendant que la fête. Ça m'attire les couilles. Non. Est-ce que t'en parles, Gérard? Tout à l'heure, écoute. Je vais te dire ouais. Gérard, on t'entend pas, hein. Réveillé. Angèle. Bon, là. Angèle, je suis là. Bah, tu réponds, s'il te plaît. Oh, bah, écoute, moi, les slips jaunes, écoute... Mais tu m'écoutes? Oui, je t'écoute. Comme mon nom, tu vois, l'indique. Oui, je sais. Voilà, tu les je sais. Tu as bien fait. Allez, on se réveille au sondage. Je vais arrêter. Se calmer. Reprends un peu le débat. Angèle? Ouais. Donc, tu peux répondre à la première question. Mais comme mon nom l'indique, je suis un parfum. Mm-hmm. Et donc, j'utilise les slips jaunes pour fabriquer ce parfum. C'est la substance principale de mon parfum. D'accord. Olivier, là, c'est quoi, Sophia? Quoi? De quoi? C'est pas toi que je m'adresse, Rogel. J'ai deux noms, là. T'as deux noms? Ouais, t'arrêtes. Arrête avec ta caméra. Arrête. Là, tu me refais pas ce que tu viens de me faire, d'accord? Si tu tu t'amuses pas à me mettre la main au genou, quoi? Oh! Ok? Oh, dis donc, je vais tout en direct, moi, là. Tout de suite, mon gars. Allez, hop. Quand est-ce qu'il lui met la main au genou? Max, tu rétablis un peu tout le bordel, là, s'il te plaît. On a un caméraman qui est apparemment homo, je savais pas, il lui met des mains aux cuisses. Donc, je voulais foutre des claques, celui-là. On aurait dû faire un débat sur les choses. C'est pas possible, comme ça. C'est vraiment pas malin. C'est pas possible de travailler comme ça, hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Non, tu reprends un peu le débat. Ouais, il faut prévenir au standard quand j'ai le droit de dire des choses marrantes. Non, mais c'est un Fantomette. Alors, tu sais quoi faire? F comme grosse tapette. Fantomette, tu réponds. Merci, c'est très délicat, là. Ouais, c'est super. Fantomette, tu réponds à la première question, s'il te plaît? Oui, alors moi, qu'est-ce que je pense sur les slips jaunes? Je trouve ça très érotique. Mm-hmm. Alors, je trouve ça vraiment très sympa. Mon mec, il en met tout le temps, d'ailleurs. Ouais, il est que ça. Stéphanie? Moi, je voudrais savoir si tu lèches les slips jaunes. Bon, Stéphanie, tu l'as... au standard, là, tu te réveilles, tu me lèches, Stéphanie. Manu le gamin. C'est pas possible. Manu le gamin, là, tu te réveilles, tu me vires, Stéphanie. Tu me prends quelqu'un d'autre. Manu le gamin, tu vas en perdre. Et tu me prends, si oui. possible, tu me mets une femme à la place d'un trablo. Oui, c'est bien. Ouais. Fais-moi coucou Gérard, je te vois à la télé là. Est-ce que je peux dire des choses rigolotes? Non, la deuxième question. L'autorisation de dire des conneries, s'il vous plaît. Ouais, je voudrais qu'on me prenne hors antenne pour que je raconte. Ouais, moi aussi, je vais raconter des conneries là. Un gros coucou Gérard, je te vois à la télé. Je vais... Merci. Les studios sont-ils plus agréables à porter? Je peux rien, moi j'ai de valeur. C'est parti, Gizmo, c'est parti. J'entends rien. C'est bon, c'est parti. Angèle. Je vais te dire, voilà. Tout à l'heure, j'ai plus pouvoir travailler. Gérard. J'espère que vous me voyez toujours dans Captain TV. Sans Marie. Qu'est-ce que t'es dans la bouche, Gérard? Non, mais attendez, parce que là, pour l'instant, j'ai des plantes, je sais pas quoi. Gérard, c'est la jungle. Gérard, viens sur le débat, bordel. Qu'est-ce que c'est, bordel? Oh, tu te tais, toi, s'il te plaît. Gérard, c'est Gilbert. Je pose une question. Je pose la question, et vous répondrez quand je vous appellerai. Attends. Comment? Gérard. Où il a dit, pauvre con? J'ai dit Gérard. Connard. Le Manu, là. Oui, tu me prends le tableau là, tu me le vires. Ouais. Hein, tu me mets quelqu'un d'autre à la place. Et tu me prends les trois mecs qui scannent, qui restent aux polices. Je vais te dire, ouais. On a l'autorisation. Ouais. On a l'autorisation de déconner comme à l'école. Bon, allez, on va revenir dans le débat, Gérard, s'il te plaît. Ouais, s'il te plaît, Gérard. Bon, alors, bon, si ça se plaît pas, tu retournes au sondage et je prends quelqu'un d'autre à ta place, ok? Je vais te dire, ouais. Coucou Gérard, ouais, c'est toi là. Tu vas même pas le reconnaître. Donc, les studios sont-ils plus agréables à faire, Gérard, dans le débat ou pas, là? Je vais te dire, ouais. Les slip zones sont-ils plus agréables à porter? Bah, Gérard. Oui, oui. Gérard. Angel. Gilbert. Vas-y, Gilbert, vas-y. Angel. C'est ça, c'est Jean-Luc. Gilbert, il est prêt. Vas-y, Gilbert. Bon, Gérard, c'est Gilbert. Gérard, c'est bon pour moi. Les stimulants sont plus agréables le vendredi soir dans les chutes d'un groupe. Alors, Gilbert, tu dégages, au revoir. Non, mais il a raison. Hop, Gilbert, bonne nuit. T'as fait joker, tu dois oublier, t'es obligé de répondre. Non, mais attends, si t'es pas content, Gizmo ou Michel, c'est pareil pour vous. Eh, Gérard, tu utilises quelle main, la main droite ou gauche? Qui c'est qui pose les questions? Les dents, les canines. Gérard, il se branle avec les canines. Pour l'instant, c'est pas le thème de la question, vous rentrez dans le vide du sujet. Gérard, c'est super agréable, des sujets. Où ça, c'est bon, Angèle, Gérard. On a bougé à la tête de Gilbert. Gérard, tu as ton micro, oui? Roger. Gérard! À la place de Gilbert, c'est Roger. Et à la place de Stéphanie, qu'est-ce qu'on a? Salut Gérard, c'est Roger. Salut Jean-Roger. Salut Gérard. Elle voudrait bien répondre. Vous la fermez pendant que je parle à Gérard, s'il vous plaît. Bon, Roger, tu te réveilles, tu réponds à la question. Réponds à la question. Roger, c'est pas mal. Je voudrais savoir si les sujets pour toi ne laissent pas des traces de pneus quand tu pars aux toilettes. D'accord. On a Janine à la place de Stéphanie. Bonsoir Janine. Bonsoir Gérard. Salut Gérard. Encore un trablo. C'est pas un trablo. Mais Gérard. Non, c'est moi, Janine. Écoute Gérard, écoute, c'est moi qui vais répondre à la question. Bon, on entend ta question. Ouais, Angèle, elle est là. Elle va répondre. Angèle. Oui. Mais lâche-toi. Comment, t'allais dire quoi? Oui, j'allais dire. Mais je suis pas là. Non, comme par hasard, t'es pas là, tu les as. Oui, je la prends, Gérard, je la prends. Bon, tu me prends. Je vais dire, ouais. Bon. Gérard, c'est Janine. Non. Non. Gérard, c'est Roger. Gérard, c'est Janine, je peux avoir ta question? Oui, Gérard, tu remets ton casque. Gérard, c'est Roger, rien. Tout de suite, s'il te plaît. Remets ton casque, Gérard, tout le monde te le donne. Tu travailles un peu là. Gérard, je voudrais répondre à la question. C'est Roger. On a Yato à la place de Gizmo. Salut Yato. Salut Yato. Bonsoir. Angèle, tu réponds à la première question, s'il te plaît. Bah oui, bah écoute. Et la deuxième. Oh, alors. Vous restez poli parce que tout à l'heure, ça va mal se terminer. Ouais, c'est ça. Bon, allez hop. Tu m'as dit que tu en antenne. Gérard, c'est Roger. Non, je vais répondre à la question, c'est Janine. Eh, Roger, laisse. Ah, s'il vous plaît, merde. Laisse répondre les filles un petit peu. Répète tes questions. Non, je répéterai pas la question. Bon, oui, alors, oui, j'étais en quelle matière. Est-ce que tu me réponds? Oui, Angel, je suis là. Tu sais à qui tu parles? Non. À Gérard de Suresnes. Bon, non. Tu me fais Roger, Yato. Tu me dis tout ça, et les filles, là. Gérard, tout ça. Oh, Gérard, je vais répondre à ta question. Gérard, t'es de mauvaise foi, on n'a rien dit. Répondre à la question. Gérard, attends, c'est bon, Gérard, je suis là, c'est Max. Au lieu de les filles de dire toutes les deux secondes, je vais répondre à la question, réponds-y, idiote. Ouais, de teubés. Hey, Max, c'est ton vrai nom? Non, il s'appelle Bidule Chouette, en fait. Ah, bon. Non, c'est pas vous qui connaissez, c'est pas à vous de parler, c'est à moi, d'accord? Bah alors, reprends ton c'est micro et ouvre-la ta gueule un peu. Mais si t'es pas content, tu vas te faire enculer, ta con. Gérard, tu me parles sur un autre nom. Gérard, je vais pas me faire traiter de tous les noms comme ça. Mais non, c'est bon. Alors pour moi, ils sont partis reprendre le débat. Non, il y en a encore un qui fait de la, qui met de la musique. Non, il y en a pas, Gérard. Si, il y a de la musique, je suis désolé. Alors, Angèle. Ouais. Donc tu veux répondre à la deuxième. Alors, je te repose la question. Les slips jaunes sont-ils plus agréables à porter? C'est clair que c'est plus agréable. Quand ça vient macérer, c'est super agréable. Mm-hmm. Et voilà, quoi. D'accord. Je sais pas, quand t'en penses quoi? Ben, moi, personnellement, j'en mets pas. Hein. Je mets pas de slip jaune, je mets des slips normales, c'est tout. Ah bon. J'ai pas de couleur préférée. Mm-hmm. Pour te mettre? Oui, ben écoute, en jaune, c'est quand même plus transparent que les autres, et en soi, ça peut être pas mal, quand même. Hein. Mm-hmm. Non, je sais pas ce que t'en penses. Ouais, à la rigueur, pour une femme, peut-être, mais pas pour un homme. Janine, oui. Attends, Janine, oui, Pantomètre. Oui, je disais que s'il y avait des petits livrets noirs, ça faisait léopard, ça fait pas mal sur un mec, hein. Mm-hmm. Non, je sais pas. Mais voit, pourquoi, pourquoi léopard? Bah, ça c'est excitant, je trouve, pour un mec. Jaune, c'est un peu fat quand même. Mm-hmm. D'accord. Janine, d'accord. Alors moi, j'aime bien les soutiens. Janine, d'accord. Donc je pense que les soutifs jaunes et les slips jaunes, ça fait un très joli ensemble. C'est ça qui est... Ça fait Janine. Ça fait les formes de la pétasse. Voilà, exactement. Jaune devant, marron derrière, Janine. Ouais. D'accord. De préférence. Donc troisième question. Préférez-vous les slips jaunes ou les caleçons? Bah, je peux... Les caleçons. J'étais à Yato. Me demande pas d'où ça vient, de quelle origine cette standardiste qu'elle choisit. Donc... Alors, moi je préfère les caleçons personnellement. Ouais, moi aussi. Parce que j'aime bien être à l'aise. Parce que, par exemple, là je t'écoute, là je suis à poil. Mais alors ? Je suis cul nu. Et je t'écoute et ça commence à monter là. T'es cul nu sous ta blouse ? Oui. Ça n'a pas de rapport avec ce son là. Gérard, rapport, c'est sexuel. Je vais te montrer. Hey, Gérard ? Gérard, c'est Roger. Roger. Tu pourrais répéter la question. Non, je préfère les slips parce que c'est plus excitant et Gérard, si tu porterais un slip, ça m'exciterait. D'accord. Gérard, c'est Roger, je t'ai dit que je répéterai pas la question 50 fois. Je voudrais juste répondre à la question. Alors tu réponds. Oui, je trouve que les slips, enfin les sacs à couilles, ça maintient les couilles, quoi. Comment? Ça maintient mieux les couilles, les slips. Eh, Arnette, comment mais tu fais pour... excitant, hein. Comment tu fais, Arnette, pour prendre des voix comme ça? J'y arrive pas. Ah ouais, je sais pas. Non, tu me prends Roger, tu me le vires. Et toi, Gérard, tu mets des slips ou des caleçons? Moi, je mets des slips. Tu mets des houles. Tu mets des houles. Et tu mets des strings aussi? Non. Donc, Angèle, pour toi? Non, moi je préfère les caleçons moules bites, tu vois. Ouais, mais que ton copain... Quoi? Que ton copain porte. Eh ben, je préfère les caleçons. Ouais, mais le cul, ça moule bien les couilles et... Ouais, mais bon, c'est plus excitant. C'est affreux. Là, je pourrais changer de nom, là. Non, c'est bon, Rosette, tu dégages. Ça te plaît bien. Non, mais pour l'instant, je te sodomise. Oh, Rosette, il dégager. Donc si vous voulez, si vous voulez continuer de participer à ce débat, vous faites le 0870-5000 et 0800-308-5000 et pour les Belges 0331-47-99-5000 et toujours 3615 code Fun Radio rubrique direct, 3615 code Fun TV rubrique direct et on met Je sais pas, il faut attendre un peu, je vais donner le titre, bouge pas. Et comble. Donc on va demander à Fantomette si elle veut bien répondre sur la question. Vas-y, Fantomette. Oui, moi effectivement je préfère les caleçons. Mm-hmm. Parce que quand on touche un petit peu, ça peut dépasser, c'est pas mal quand même. Hein. D'accord. C'est de pire en pire tes débats. T'es pas content, tu t'envoies des tonnes de débats. T'as raison. Je me rappelle même plus comment je m'appelle. Ayatollah Ouais, non, mais Ayatollah, si t'es pas content, tu vas retourner au standard de manière à la pause musicale. Je veux plus entendre de mecs, je veux un peu de nanas qui bouge un peu. Là, j'ai trois nanas, à mon avis, j'espère que j'ai. Y'a pas de problème, t'aurais une nana. S'il te plaît, en bougeant. Ouais, je sais, je dis qu'il y a que les nanas qui arrivent à répondre aux questions sérieusement. Tu payes les croissants après, c'est tard. Gérard, t'aimes pas les caleçons? Je vous répondrai juste après, donc les copains de la campagne, vive, vive l'urine. Merde. Et voilà. Et ouais, vous venez d'entendre un Bieber pour you, donc c'était... Non. C'était les copains de la campagne, vive l'urine. Donc on va reprendre les débats, si on pouvait me donner les gens à l'antenne, s'il vous plaît. Oui, j'ai un salut. Il y a Fantomette. Alors, il y a Judo Boy. Janine. Ouais, mais merde, moi, les sur un papier, parce que je les ai pas. Fantomette, c'est le tirot qui fait quand on l'embête. Ouais, attendez, parce que là, j'entendais... Donc j'ai Fantomette. Janine. Ouais. Donc, Janine. Ah, c'est bon, ça y est, j'ai les noms. J'ai Jadobé. Gérard. Ouais, tu dirais Luigi, ça irait plus vite. Ah non, c'est pas Luigi, c'est Tony, mais tu y étais presque. Ouais, c'est bon, si c'est pour avoir les mêmes, c'est pas la peine, hein, ok. Je déconne. Yoda. Oh, c'est quoi, là, c'est clair, ça, qui est dans un camion. Il est pas dans un camion, Gérard. Allez, c'est bon, celui-là, tu le retires. Arthur, bonsoir. Salut. Et Cristal. Oui, bonsoir, Gérard. Bonsoir, Cristal. Ça va Janine. J'ai pas regardé ce matin. Voilà, donc Janine, c'est bon. Fantomette, c'est bon. Ouais. Salut, Fantomette. Salut, Gérard. Bon, c'est bon, je viens de te dire ça. Cristal, quel jeu de c'est quoi, là, ce cirque? Ça a craqué. C'est l'herbe. C'est ton cirque, Bozo. Oh là, mais... Ah, ça va craquer sec, hein, Gérard. Ouais, je sens que tout à l'heure, c'est Max qui a trouvé son art et ça va gerber sec. Ça va gerber sec. Ah, Gérard. Ah, vous arrêtez, s'il vous plaît. Bon, ta question, Gérard. Donc... Ta question... Ouais, Gérard, raconte-nous ton débat. Les slips jaunes sont toutes plus sexy. Ouais. C'est quoi? Les slips jaunes sont toutes plus sexy. Alors, je vais m'adresser à Fantomette. On t'a répondu tout à l'heure. Non, vous n'avez pas répondu. C'est quoi cette fixation sur les slips jaunes? Vas-y, va voir un psychologue, là, pour que tu nous prends la tête. Il est 4h du matin. Là, tu le dégages. Non, sérieux. Gérard, c'est n'importe quoi. Gérard, tu pues la merde. Tu me dégages, il est parti. Tu réponds. Gérard, c'est gros. Voilà. Donc, Fantomette. Oui. Donc, les slips jaunes sont les plus sexy pour toi? Oh, sincèrement, pour moi, c'est le plus sexy, mais bon... Attends, Fantomette, 5 minutes, je vais demander à Manu, au standard, il est calme, celui qui met de la musique. Ok. Tant qu'il y aura de la musique, je ne continuerai pas le débat. Ça y est, Gérard. Voilà. Donc, Fantomette, tu voulais dire donc... Que les slips jaunes, effectivement, c'est sexy, mais je préfère quand il est tout nu, quoi. D'accord. Oui. Ok. Janine, pour toi? Alors moi, j'aime bien les slips jaunes parce que c'est vachement sexy. Mmh. Parce que j'adore quand les deux bouts, tu vois, elles sortent de côté. Mmh. Vachement excitant. Et le cul, tu vois, il y a l'arrêt du milieu. Oh, c'est et la chandelle. D'accord. Est-ce que toi, tu aimes ça? Personnellement, non, tu vois. Ah bon? Tu peux pas y a rien. Punaise, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de me... Punaise, mais c'est quoi, là? Eh, hey, oh, tu te toi, merde! Gérard, arrête!